Abbas, Abbas, les Massad fait chenas. Abbas, Abbas, les Massad fait chenas. Anama faim, les Mazal Mashakil. Anama faim, les Mazal Mashakil. Anama faim, les Mazal Mashakil. Anama faim, les Mazal. C'était Calais, d'un mur l'autre, mixage Alain Joubert, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez traverser la Manche, bibliographie, lien, nous podcaster pour le tunnel ou nous réécouter dans la jungle, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les belles pages, c'est grâce à Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et bien sûr, nous podcaster sur tout un tas de plateformes. Demain, troisième étape, on s'installe à Palerme pour voir si c'est vraiment devenu une ville ouverte. Et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires, Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre, Création en Air et Une Histoire Particulière.